إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 30 dans العقيدة الوسطية avec le charge du Cheikh Saleh Al-Fawzan et on commence avec le troisième point dans les points de Al-Qadar ou Al-Qadar parmi les quatre points et le Cheikh lui il dit Al-Darajat Al-Thaniya wa ma tatadammanhu c'est-à-dire lui parce qu'il a divisé les deux premiers en il a comme si les quatre il les a divisés en deux et il a mis les deux premiers comme si c'était un degré puis les deux derniers comme si c'était un deuxième degré et donc en réalité maintenant on est au troisième point et lui le cheikh il le compte comme étant le deuxième degré donc il dit أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق ولا رب سواه donc maintenant on va étudier on va expliquer les deux derniers points ou les deux derniers principes de al-qada ou al-qadar les deux premiers c'était al-ilm ou al-kitaba la connaissance et le fait que Allah il a tout écrit qu'est-ce qui se produit jusqu'à la fin des temps. Maintenant, on va étudier les deux qui suivent, c'est-à-dire al-mashi'a ou al-khalq, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la création. Et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc, le cheikh il dit, en ce qui concerne le deuxième degré, donc ça implique, ou on parle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est exécutée, et de sa puissance qui est complète. Et c'est-à-dire que tu dois croire que ce que Allah veut, c'est, et ce que Allah ne veut pas, ce n'est pas. Ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Il ne peut y avoir que ce que Dieu veut. Ok? Donc ce qu'il veut, c'est, et ce qu'il ne veut pas, ça n'existe pas. Et il dit ensuite, et donc il n'y a pas dans les cieux ni sur la terre de mouvement ni d'immobilité ou d'inertie excepté par la volonté d'Allah. Donc s'il y a un mouvement, c'est par la volonté d'Allah, s'il y a l'absence de mouvement, c'est par la volonté d'Allah. La yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Il n'y a dans son domaine, dans son royaume, dans sa création, que ce qu'il veut. وأنه سبحانه على كل شيء قدير. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toutes choses, que ce soit parmi les choses qui existent ou les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant et il a le pouvoir sur toutes choses. Donc il n'y a pas de créature dans les cieux et sur la terre, excepté que c'est Allah qui est son créateur. Et il n'y a pas de créateur en dehors de lui. Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de Seigneur pour l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, الشرح, هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. أشار إلى الثالثة بقوله فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة والنافذة هي الماضية التي لا راد لها والشاملة هي العامة لكل شيء من الموجودات والمعدومات. Donc le chef il dit que là il explique le troisième et le quatrième parmi les degrés de des niveaux de la croyance en la prédestination, et il a indiqué ou il a parlé du troisième degré en disant que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est passée et qui s'est exécutée, et c'est également sa puissance qui est générale, c'est-à-dire qui est le fait qu'il a le pouvoir sur toute chose. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il a une toute puissance sur, il a le pouvoir sur tout, parmi les créatures, les choses qui existent et les choses qui n'existent pas. Wa qawluhu wa huwa al-iman. أي معنى الإيمان بهذه المرتبة الاعتقاد أن ما شاء الله كان أي وجد وما لم يشأ لم يكن أي لم يوجد وأنه ما في السماوات من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى. Donc il dit que donc ça implique la foi. Il faut avoir l'iman dans ça, et c'est-à-dire d'avoir la croyance en ces principes-là, du fait que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est-à-dire c'est ça qui a été créé, c'est ça qui existe, وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ, et ce qu'il ne veut pas, ce n'est pas, c'est-à-dire ça n'existe pas. Hein? Ce que Dieu veut, ça existe, et ce que Dieu ne veut pas, ça n'existe pas. D'accord? Et que il n'y a pas de mouvement ni d'absence de mouvement, hein, excepté par sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans son royaume qui peut se produire, excepté si lui, Allah, l'a voulu. وَلَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ وَقُوعُهُ كَوْنًا وَقَدَرًا وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ لدخولها تحت عموم كل شيء. فالله قد أخبر في آيات كثيرة أنه على كل شيء قدير. Donc il dit ici que il ne peut y avoir dans son domaine, dans sa création, excepté ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se produire excepté s'il l'a voulu. كَوْنًا وَقَدَرًا, c'est-à-dire dans sa création, du fait qu'il l'a créé et du fait qu'il est destiné comme ça et déterminé de cette façon. Donc il n'y a rien qui peut arriver excepté s'il l'a voulu. Et donc ensuite il dit qu'il a le pouvoir sur toutes choses, des choses qui sont créées, des choses qui ne sont pas créées. Et il dit que tout ça, ça rentre dans le sens général de la signification de kulli shay, c'est-à-dire sur toutes choses. Quand tu dis sur toute chose, ça implique tout, en général, sans aucune exception. فَاللَّهُ أَخْبَرَ, donc Allah, il a mentionné dans plusieurs versets qu'il a le pouvoir sur toute chose. وَقَوْلُهُ فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ. هذا فيه إشارة إلى المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد, فكل ما سوى الله فهو مخلوق, وكل الأفعال خيرها وشرها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه لها, la khaliqa ghayruhu wa la rabba siwa. Donc il dit le cheikh que maintenant il parle du quatrième degré, wa al-Allah, quatrième niveau, c'est-à-dire que Allah c'est lui qui a tout créé ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il n'y a rien dans les cieux et sur la terre parmi les créatures excepté que Allah est celui qui l'a créé. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc il dit c'est ça, tout ce qui existe c'est Allah qui l'a créé, et c'est-à-dire que non, tout ce qui est autre que Allah est créé, et toutes les actions qui se produisent dans la création, que ce soit de bien ou de mal, eh bien c'est lui qui les a créés, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui les a fait exister, qui a fait en sorte que ces actions-là se produisent. Et il n'y a pas de créateur en dehors de lui, il n'y a pas de maître et de Rabb excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après il dit « ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع. المسألة الثانية لا تعارض بين تقدير الله ووقوع المعاصي وبغضه لها. والمسألة الثالثة لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. Pardon. Donc, maintenant, on a fini d'expliquer ces deux points-là. On a expliqué en résumé. Et puis, maintenant, le chef, il dit que maintenant qu'on a terminé d'expliquer ça, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le chef, il va maintenant expliquer des questions qui se relient à ce sujet-là et qui sont reliées à ce sujet dont on a parlé, c'est-à-dire al-Qadar. D'accord? Et il y a trois questions qui sont traitées maintenant, en particulier. La première question, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre la prédestination et la révélation. Dans le sens que, il n'y a pas de contradiction entre ce que Allah a prédestiné et ce que Allah a légiféré dans sa loi, dans qu'est-ce qui est halal ou haram, et dans qu'est-ce qui est obligatoire et interdit. D'accord? Il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce qu'il y a des gens qui font des contradictions entre les deux, ou qui essaient de frapper l'un avec l'autre, ou l'un contre l'autre. D'accord? On va voir ça tout à l'heure. Après, le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que Allah a prédestiné et le fait que des péchés se produisent de la part de certaines des personnes, parmi les créatures, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala déteste ces péchés-là. Il n'y a pas de contradiction entre ces choses-là. Ensuite, la troisième question, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait prédestiné les actions des créatures et le fait que ce sont les créatures qui font ces actions-là de leur propre volonté, selon leur propre décision et leur propre choix. D'accord? Donc là, on va expliquer plus en détail avec des exemples, qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc, le premier point et le deuxième point dont on a parlé, c'est-à-dire le point qu'il n'y a pas de contradiction entre Al-Qadar et Al-Shar, et entre Taqdir, le fait qu'Allah a prédestiné les choses et le fait que les péchés se produisent et qu'il les déteste. Ça, on va expliquer ces deux points-là, puis on va expliquer l'autre point par la suite dans ce qui va suivre. Donc le cheikh il dit, premièrement, « La ta'arud bayna al-qadr wa shara wa la bayna taqdirihi lil-ma'asi wa bughdihi laha. » Donc il n'y a pas de contradiction entre la prédestination et qu'est-ce qu'il a révélé dans la charia, et entre le fait qu'il les a destinés ou prédestinés, c'est-à-dire qu'il a prédestiné les péchés et qu'il les déteste. Okay. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. Le chef il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il a créé tout, comme on a dit tout à l'heure, il a tout créé les actions de ses créatures, et il les a voulu, tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par sa volonté, et tout ce qui se produit, c'est lui qui l'a créé, et malgré cela, Allah a ordonné aux serviteurs de l'obéir. Et il a ordonné aux gens d'obéir aux messagers. Et il a interdit aux gens de désobéir aux messagers. Hein, et il a interdit aux gens de désobéir à Allah, à lui-même et à ses messagers. Donc, on sait maintenant ce qui se produit dans la création. Des fois, il y a des péchés qui se produisent dans la création. Puis, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers avec des livres et des révélations. Dans ces livres et dans ces révélations, il y a l'explication de ce qui est halal et de ce qui est haram. Donc, on sait ce qu'Allah veut de nous. On sait aussi ce qui est obligatoire et on sait aussi ce qui est interdit. Donc, tout ça c'est clair. D'accord? Donc, le chef il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié dans sa révélation qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il a dit qu'il aimait les gens qui sont al-muttaqin, ceux qui ont al-taqwa, c'est-à-dire qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui font ce que Allah ordonne et qui s'éloignent de ce que Allah a interdit dans le but de se protéger du châtiment d'Allah, c'est ça al-taqwa. Ensuite, il a dit qu'il aimait al-muhsinin, c'est-à-dire les gens qui font le bien et qui restent toujours conscients du fait qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils essaient de faire en sorte comme si Allah était devant eux quand ils font un acte de bien, et ils restent toujours conscients que Allah subhanahu wa ta'ala les regarde à chaque instant. Ça c'est al-muhsinun, ceux qui ont al-ihsan. Et le troisième degré c'est al-muqsitin, ou bien c'est pas le troisième degré, mais c'est juste pour dire que c'est une autre parmi les caractéristiques qu'Allah aime chez ses serviteurs, c'est ceux qui sont al-muqsitin, c'est-à-dire ceux qui ont al-qist, c'est-à-dire qui sont justes. Ils sont justes envers les gens, ils jugent avec justice. D'accord? Donc ça c'est certaines parmi les caractéristiques ou les catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ok? ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، et il est satisfait des gens qui font, qui ont la bonne croyance, qui croient et qui font les bonnes œuvres. Et maintenant, donc maintenant il a parlé de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ok? Et maintenant il donne l'exemple de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il dit ولا يحب الكافرين، Allah n'aime pas les non-croyants, les gens qui rejettent la foi. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، il n'est pas satisfait des gens qui sont fasiqin, c'est-à-dire qui ont le fisc, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et لا يأمر بالفحشاء، il n'ordonne pas aux gens de faire الفحشاء، c'est-à-dire les turpitudes, les péchés, les grands péchés comme la fornication, l'adultère, des choses comme ça. ولا يرضى لعباده الكفر، et il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. Lorsque son serviteur mécroit ou rejette la foi, il n'est pas satisfait de son serviteur lorsqu'il fait ça. Et la yuhibbul fasad, il n'aime pas le désordre. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption, il n'aime pas le désordre sur la terre. D'accord? Donc ça c'est des exemples pour nous faire comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce qu'il n'aime pas, et ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit, pour nous faire comprendre que il n'y a pas de contradiction entre la prédestination, du fait qu'il y a dans les choses qu'Allah a prédestinées des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, mais que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime que le bien et il n'aime pas le mal. Et il est satisfait du bien et des gens qui font le bien, et il est non satisfait des gens qui font le mal et des gens et du mal lui-même. D'accord? Et là, le chef, c'est ça ce qu'il veut expliquer maintenant. لما قرر الشيخ رحمه الله القدر بمراتبه الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد وأنه ما من شيء يحدث إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وأراده وأوجده بين هنا أنه لا تعارض بين ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته ولا بين تقديره وبين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها. Donc le chef il explique qu'est-ce qu'on a expliqué. Encore une fois, il dit le chef, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, après qu'il ait clarifié les quatre degrés de la prédestination, la connaissance, le fait qu'il a écrit tout, le fait qu'il a voulu, qu'il a la volonté absolue et qu'il a créé tout et que tout ce qui existe c'est lui qui l'a fait exister, hein, et ben en même temps, bon, tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie que il n'y a rien qui se produit excepté que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé, il l'a fait exister. C'est ça que ça signifie. Et là maintenant il explique qu'il n'y a pas de contradiction entre ça et entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait commandé à ses serviteurs de l'adorer et de l'obéir et qu'il leur a interdit de le désobéir, et il n'y a pas non plus de contradiction entre les quatre degrés de la prédestination et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est prédestiné qu'il y a des péchés qui se produisent et qu'il déteste ces péchés-là. فقوله مع ذلك أي مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أمر فيها بالطاعة أو بالطاعة ونهى عن المعصية لا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره كما يظن بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر. Donc on va donner des exemples de contradictions, des gens qui ont essayé d'établir des contradictions entre les deux. Mais pour avant d'expliquer ça, on va juste expliquer le dernier point que le cheikh a mentionné. Il dit donc يعني الله سبحانه وتعالى ما يك celui qui a tout créé, étant donné que celui qui a tout créé, il a comme on a dit tout à l'heure, il a su toutes choses, il les a prédestinées et déterminées, il les a écrits et il les a créés et il les a voulu, tout ça, et ben ça veut dire que يعني ça c'est les degrés de la prédestination comme on a dit. Puis il a ordonné à ses serviteurs de l'obéir et il a interdit de le désobéir. Il a ordonné à ses serviteurs d'obéir au messager et il leur a interdit de leur désobéir ou de lui désobéir. Donc ça c'est prouvé par plusieurs textes, par plusieurs preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et il dit dans ces textes-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir et a interdit de désobéir. Et il n'y a pas de contradiction entre la révélation d'Allah, qu'est-ce qu'il a interdit et ordonné dans sa révélation, et entre qu'est-ce qui se produit dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme certaines personnes pourraient imaginer parmi les gens qui sont déviés et qui se sont égarés. Ceux qui essaient de créer des contradictions ou qui essaient d'opposer la révélation et la prédestination. Et là, le chef il donne trois exemples de groupes qui ont dévié à ce sujet-là. Il dit, يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع في رسالة التدمرية وأهل الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية. Donc il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a parlé de ce sujet dans son livre At-Tadmouriya. Risale At-Tadmouriya, c'est un autre livre qu'il a écrit pour les gens de la ville de Tadmour. Et dans ce livre-là, wa alaykum salam, dans ce livre-là, il a parlé au sujet de la révélation et de l'Al-Qadar. Et il a également parlé au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc là, il a divisé les gens qui se sont déviés à ce sujet-là en trois groupes. En trois groupes. Les Majusiyya, les Mushrikiyya et les Iblisiyya. Ça, c'est les trois groupes. Majusiyya, ça vient de Majus. Mushrikiyya. Al-Majus, c'est qui? Al-Majus, c'est ceux qui adorent le feu. Hein, et qui disent qu'il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Le bien et la lumière, c'est créé par le dieu du bien, et le ténèbre et le mal, c'est créé par le dieu du mal. Hein. Donc, ça c'est les Majus, c'était les gens qui vivaient en Perse. Ok. Ensuite, il y a l'autre groupe dont il parle, al-Mushrikiyya, ça vient de Shirk, hein, Mushrik, Mushrikiyya. Et le dernier groupe, c'est Al-Iblisi, ça vient de Iblis, c'est-à-dire de Shaytan, ra'anahullah. Donc, il explique maintenant chacun de ces trois groupes-là, un après l'autre, il dit, فَالْمَجُوسِيَّ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ آمَنُوا بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فَغُلَاتُهُمْ أَنْكَرُوا الْعِلْمُ وَالْكِتَابِ وَمُقْتَصِدُوهُمْ أَنْكَرُوا عُيُومُ مَشِئَتِهِ وَخَلْقِهِ وَقُدْرَتِهِ. Donc, le chef il explique, il dit que Al-Majusiyya, hein, comme on a dit, les Majus, c'était des gens qui disaient qu'il y avait deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Ben, ce groupe-là, Al-Majusiyya, c'est ceux qui ont nié la prédestination d'Allah. Ils ont cru, hein, ils ont dit, oui, il y a le halal et il y a le haram, il y a les ordres et il y a les interdictions. Il y a qu'est-ce qui est obligatoire, puis il y a qu'est-ce qui est interdit. Toutefois, il nie que Allah a su toutes choses en avance et il nie qu'il a tout écrit. Et ça, c'est les extrémistes parmi ces gens-là. Et c'est les Qadariyas. D'accord? Ça, c'est ceux qui ont nié Al-Qadar. Et les extrémistes parmi eux, ils ont nié la connaissance et le fait qu'Allah a tout écrit. On avait parlé de ça déjà la semaine passée. Maintenant, il y a ceux qui sont, disons, dans la position en dessous, c'est-à-dire ils sont, disons, moins extrémistes que ceux-là, c'est ceux qui ont nié la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont nié le fait qu'il a créé et prédestiné toute chose. C'est-à-dire que ce qui se produit de bien ou de mal, c'est créé par Allah. Donc ça c'est, hein, par Allah. Il nie que c'est créé par Allah. Eux, ils disent, c'est pas créé par Allah. D'accord? Donc, ils disent, c'est l'être humain qui crée lui-même ses actions. Si c'est le mal, c'est lui-même qui le fait. Donc, il mélange entre, il nie la volonté et la création. Et ça, c'est les Mu'tazila et ceux qui les ont, suivis. Donc ils disent, si quelqu'un fait quelque chose, les premiers, les extrémistes, ils disent Allah ne savait pas qu'il allait le faire et il ne l'avait pas écrit. Puis les autres, parmi ces gens-là qui sont parmi ces gens-là, Al-Majusiyya, c'est ceux qui disent il n'a pas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des choses qui peuvent se produire dans la création que Allah n'a pas voulu. Hein? C'est comme ça qu'il pense. Il y a des choses qui peuvent se produire qu'Allah n'a pas voulu et les êtres humains, ils peuvent créer par eux-mêmes ce qu'ils font. D'accord? Donc, c'est comme s'ils ont affirmé qu'il y a plus qu'un créateur. Comme les Majus ont dit qu'il y a deux créateurs, deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, ceux-là ils ont dit qu'il y a chaque être humain fait lui-même ses propres actions. Ouais, c'est des groupes musulmans qui, comme les chiites, ils ont cette aqidah, les mu'tazilas, ils ont cette aqidah, ok. Et puis il y a d'autres groupes de bid'ah qui ont cette aqidah aussi. Bon, ça c'est un groupe qui est tombé dans un extrême au sujet de al-qadariya, au sujet de al-qadar. Il y a le deuxième groupe dont il parle, c'est al-mushrikiya. Il dit, le cheikh, firqat al-thaniya al-mushrikiya, الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي وقالت والنهي قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآية donc après il dit فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي فهو من هؤلاء le cheikh il dit que le deuxième groupe parmi les groupes qui ont dévié au sujet de la prédestination et la révélation, c'est le groupe des mushrikiyah. Le cheikh il dit, ils ont affirmé, ils ont cru en la prédestination, le décret et la prédestination, mais ils ont nié le commandement et l'interdiction. C'est ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un exemple de ça. Dans le verset 148, dans Sourate Al-An'am, les mouchriquins ils disaient ça, ils disaient, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni nous, et ni nos parents, ni nos ancêtres, et on n'aurait rien interdit de ce que Allah a permis, d'accord. Donc ça c'est déjà, ils ont affirmé la prédestination, ils ont cru en Qadar ou Qadar, toutefois ils ont nié l'ordre et l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la révélation. D'accord? Et donc ça, on retrouve souvent des gens qui tombent dans cette erreur-là. Ils essaient de justifier leur péché en se basant sur des arguments pareils. Ils essaient de justifier le shirk. On dit, oh, on fait le shirk, mais si Allah n'aurait pas voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Hein? Des exemples comme ça. Oui, ça a rapport avec ça, puis aussi ça a rapport avec le fait de la connaissance de la révélation, du fait que, par exemple, c'est al-irada al-shar'iyya, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas que ces gens-là fassent le shirk, puisqu'il a révélé des messagers avec des livres pour les avertir de ne pas faire le shirk, et pour leur interdire de faire le shirk. Donc, comment ils peuvent essayer de prétendre que si Allah n'aurait pas voulu, il n'aurait pas fait le shirk? C'est une sorte de négation de la révélation. Oui, c'est ça. Le fait que Allah ait voulu, c'est vrai. Tout ce qui arrive, c'est Allah qui l'a voulu. S'ils ont fait le shirk, c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu le faire, excepté si ils n'auraient pas pu le faire sans que ce soit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'il n'y a pas un atome dans l'univers qui peut bouger, excepté par la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui se produit, que ce soit une obéissance ou un péché, excepté que ce soit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Toutefois, ça c'est al-irada al-kawniya, ça c'est la volonté dans la création et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui arrive dans son univers, c'est uniquement selon sa volonté et qu'est-ce qu'il a voulu. Toutefois, il a envoyé des messagers et des prophètes avec des livres pour nous interdire de faire des associations avec Allah et pour nous ordonner de n'adorer que Dieu seul, hein, et de vouer notre adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce cas-là, leur argument est faux et leur prétention est fausse également. D'accord? C'est comme si quelqu'un dirait aujourd'hui, il y a des gens qui disent ça des fois, ils font pas la salat, tu lui dis, fais la salat. Il dit, quand Allah va vouloir, je vais faire la salat. Hein? Je sais pas si vous avez déjà entendu des gens dire ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Personnellement, ouais. Quand tu parles avec certains musulmans qui par exemple, font pas la prière, ou bien ils font pas ce qu'ils devraient faire, ou bien qu'ils font des péchés, quand tu les appelles à faire ce qu'ils ne font pas, ou bien arrêter de faire ce qu'ils font de péché, ils disent, quand Allah va vouloir, je vais faire ce qu'il m'a ordonné, je vais faire la salat, ou bien je vais porter le hijab, ou bien ils disent, quand Allah va vouloir, je vais arrêter de faire le péché. Ouais, bientôt, Inch'Allah aussi, par exemple, comme si Dieu veut, je vais arrêter. Ou si Dieu veut, je vais faire la prière, Inch'Allah. Mais Allah, il veut que tu fasses la prière. Comment tu penses que Allah veut pas que tu fasses la prière, puisqu'il a ordonné à ses messagers, il a ordonné à ses prophètes de dire aux êtres humains de tabler la salat. C'est dans le Coran, c'est dans la Sunna, c'est clair. Hein, donc Allah, il veut ça. En fait, c'est parce que ces gens-là, ils mélangent entre les deux volontés. Dans le sens que, c'est vrai que, s'ils n'ont pas prié, Allah avait prédestiné qu'ils n'allaient pas prier. Oui, mais ils ont, tu vois, Allah savait, il avait écrit que ces gens-là, ils n'allaient pas prier, à ce moment-là. Et, Allah, il savait, il avait écrit, et il a voulu, hein, que ces gens-là fassent tel ou tel péché. Sauf que, ça c'est l'irada al-kawniyya, c'est sa volonté dans la création qu'il a fait, il a prédestiné et créé les choses de cette façon-là. Toutefois, il a ouvert la porte de la repentance, et il a envoyé des messagers avec des livres pour leur dire ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis, ou ça ne veut pas dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ou a destiné que ces gens-là n'allaient pas faire la salat, ça ne veut pas dire qu'Allah est satisfait de ça. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il aime les gens qui ne font pas la prière. Hein? Donc, au contraire, il n'aime pas ces gens-là et il leur demande de cesser de désobéir et d'appliquer les choses qu'ils ne font pas et les règles qu'ils négligent. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est un exemple, on a parlé de ça au dernier cours, j'ai donné des exemples de ça aussi. Le chef il dit ensuite que al-firqatu al-thalitha hum al-iblisiyya. Al-iblisiyya hum alladhina aqarru bil-amrayn walakin ja'alu hadha tanaquban min ar-rabb subhanahu wa ta'ala وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم. Donc il dit que le troisième groupe c'est le groupe de l'Iblisiyya, c'est le groupe qui suit l'exemple d'Iblis, ok, qui ont affirmé les deux, c'est-à-dire ils ont affirmé la connaissance. Et ils ont affirmé qu'il a écrit, ils ont affirmé également que c'est par la volonté d'Allah que les choses se produisent et que Allah a tout créé. Et ils ont affirmé également l'ordre et l'interdiction. Ils ont affirmé également l'ordre d'Allah et l'interdiction dans la révélation. Hein, et le commandement d'Allah et l'interdiction d'Allah. Parce que Iblis, il a entendu le commandement d'Allah qui lui a demandé de se prosterner devant Adam. Donc il a entendu l'ordre, d'accord? Toutefois, il a refusé de se soumettre à cet ordre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي. Oh Allah, parce que tu m'as dévié ou parce que tu m'as mis dans l'erreur ou dans l'égarement. Donc il essaie de mettre le blâme sur Allah pour son, il essaie de mettre le blâme de son égarement sur Allah subhanahu wa ta'ala du fait que c'est Allah qui l'a égaré et dévié. D'accord? Alors que c'est lui qui a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par son propre choix. Par orgueil, hein. Donc, ils ont nié la sagesse, hein, il a nié la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est juste et il ne fait rien pour rien. Il fait quelque chose toujours pour une grande sagesse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a égaré Iblis, c'est parce qu'il a refusé de se soumettre. Hein, il aurait pu demander pardon à Allah. Pourquoi il a refusé? Par orgueil. Il a refusé de se soumettre et par la suite il a persisté dans cette voie et donc il nie la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit wal maqsoud anna hadha mimma taqawwalahu ahlu al-dalal amma ahlu al-huda wal-falah fayu'minuna bihadha wa hadha wayu'minuna bi anna Allah khaliq kulli shay wa rabbuhu wa malikuhu وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين انتهى كلامه. Donc il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? C'est que ça, c'est qu'est-ce que les gens de Dalal, les gens d'égarement ont dit. Ils ont inventé ces paroles-là. Mais les gens qui sont sur la guidance et sur le succès, ils croient en tout, ils croient en l'ordre et l'interdiction, et ils croient en la prédestination, les deux. Ils ne font pas de contradiction entre les deux. Ils ne n'opposent pas un par l'autre. Et ils croient que tout ce qui, que Allah a tout créé. Ils croient que Allah a tout créé et qu'il est le maître de toutes choses et le Seigneur de toutes choses, et que ce que Allah veut existe et ce que Allah ne veut pas n'existe pas, et qu'il a le pouvoir sur toutes choses, et qu'il a la connaissance de toutes choses, et que toute chose a été écrite et mise dans un livre préservé. Ça, c'est la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a au sujet de la prédestination et au sujet de l'ordre et de l'interdiction, c'est-à-dire au sujet de la révélation et des ordres dans le sens. D'accord? Donc, ça clarifie un peu, je pense, les gens d'égarement, comment ils ont dévié au sujet de ce, à ce point-là. Après, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ. C'est-à-dire, il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il aime les gens qui sont pieux, qui ont la crainte en lui, qui font le bien et qui sont justes. ويحب من اتصف بالصفات الحميدة كالتقوى والإحسان والقسط ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما أخبر بذلك في آيات كثيرة لما اتصفوا به من الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين أي لا يرضى عن من اتصف بالصفات التي يبغضها كالكفر والفسق وسائر الصفات الذميمة ولا يأمر بالفحشاء وهي ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال ولا يرضى بعباده الكفر ولا يحب الفساد لقبحهما لما فيهما من المضرة على العباد والبلاد. Donc le cheikh il explique les descriptions de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Comme par exemple, il dit que, comme on a dit, qu'il aime ceux qui ont les caractéristiques louables comme la taqwa, l'ihsan, al-qist, la justice, la crainte en Allah et la bonté. Et il est satisfait de ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres, comme il l'a dit dans plusieurs versets, et il est pourquoi il est satisfait d'eux? Parce que ces gens-là ont l'iman et les bonnes œuvres, hein, la foi et les bonnes œuvres. Et il dit également, dans plusieurs versets, qu'il n'aime pas les mécréants, qu'il n'aime pas les gens qui sont pervers, qui ont le fisq, et qui ont le kufr. Et il n'aime pas également toute personne qui ont des mauvaises caractéristiques. Hein, comme par exemple, il y a des péchés ou des choses de ce genre. Et il dit également que Allah n'a pas ordonné al-fahsha, Allah n'a pas ordonné al-fahsha, et c'est tout ce qui est laid parmi les paroles et les actions. Tout ce qui est extrêmement laid parmi les paroles et les actions, parmi les péchés. D'accord? Et wala yarda li'ibadihi al-kufr wala yuhibbu al-fasad. Il n'aime pas ces péchés-là comme il n'est pas satisfait du kufr de ses serviteurs, ni de la corruption et le désordre qu'ils font, hein, parce que ça amène du mal aux autres créatures et ça sème le désordre également dans le pays. Donc Allah n'aime pas ces caractéristiques-là et ceux qui les possèdent. D'accord? Le Cheikh dit, ويريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم. فإذا أراد شيئا، إذا أراد الله شيئا فقد أحبه، وإذا شاءه فقد أحبه. وهذا قول باطل، والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة، أو بين المشيئة والمحبة، يعني الإرادة والمشيئة الكونية، فقد يشاء الله ما لا يحب، وقد يحب ما لا يشاء وجوده، مثال الأول مشيئة وجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لما في الكون مع بغضه لبعضه. والمثال الثاني محبته لإيمان الكفار وطاعة الكفار، ولم يشاء وجود ذلك منهم ولو شاء لوجد. الشيخ يزي qu'est-ce qu'il veut dire maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire, Cheikh l'Islam, par qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, yarhamukallah. Qu'est-ce que le Cheikh veut expliquer en disant toutes ces paroles-là? Il veut expliquer que, il veut réfuter ceux qui ont cru qu'il y a un lien entre la volonté et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si Allah a voulu quelque chose, ça veut dire qu'il l'a aimé, automatiquement. Hein? Ils disent, il y en a par exemple, bon, des gens qui font des péchés. Ok, ils désobéissent à Allah, ou bien ils sont des koufars. Puis par exemple, Allah leur donne beaucoup de richesses dans cette vie. Donc, eux, ils s'imaginent que si ils font des grands péchés, et ils rejettent la foi en Allah, puis qu'Allah leur donne beaucoup de richesses, c'est une preuve que Dieu les aime. Hein? Il y a des gens comme ça, ils s'imaginent ça. Donc le Cheikh dit, il n'y a pas de lien direct entre ça. Ça, c'est un exemple que je donne, parce que c'est beaucoup plus général que ça, que ce que le Cheikh explique. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de lien direct entre l'amour et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il permet que toutes sortes de choses se produisent dans sa création qu'il n'aime pas. Hein? Il permet que ces choses-là se produisent. Par exemple, il permet qu'il y ait parfois de la pollution, des guerres. Il permet qu'il y ait par exemple des meurtres, des viols, l'homosexualité, les porcs, la drogue, l'alcool, toutes sortes de péchés. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a permis que ces choses-là se produisent. Mais il déteste ces choses-là. Il déteste tout ça. Et on sait qu'il le déteste parce qu'il l'a révélé à ses messagers et dans les livres qu'il détestait ces choses-là. Si Allah n'avait pas révélé ces choses-là dans ses livres, par ses messagers, on n'aurait pas pu savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Mais étant donné qu'il nous l'a dit par ses messagers, par ses prophètes, nous on le sait. Hein? Et les koufars souvent sont mélangés là-dessus. Hein? À chaque fois, tu vois des chrétiens dans les entrées de métro qui donnent leur pamphlet et disent « Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Ils disent à tout le monde « Jésus t'aime ». Ok? Donc pour eux, Jésus aime tout le monde, parce que pour eux, Jésus c'est Dieu, donc ils disent « Dieu aime tout le monde ». Est-ce qu'il aime Iblis? Est-ce que ils disent que Jésus aime le diable? Demandez-leur. Est-ce que vous pensez que Jésus aime le diable? Hein? Parce que le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Adoullah. Donc, ces gens-là, ils vont à l'extrême dans ça. Et même, bon, il y a des musulmans, parmi les musulmans, il y en a qui sont déviés à ce sujet-là aussi, comme parmi les soufis, par exemple. Ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aimer les gens même qui ne respectent pas ses lois et qui ne l'obéissent pas. Parce que, soi-disant, la foi, soit qu'ils disent la foi c'est dans le cœur, hein, et donc étant donné que j'ai la foi dans le cœur, peu importe qu'est-ce que je dis, peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe comment je vis, même si je contredis la loi d'Allah, même si je contredis la sunna, même si je fais des péchés, dans mon cœur j'ai la sensation que j'ai la foi, ça veut dire que je suis un mu'min, et donc Allah peut m'aimer quand même. Hein. Et puis, quelqu'un peut être en train de faire le bien et respecter les règles de l'islam, mais ça, ça ne veut pas dire que Allah l'aime. C'est sûr que c'est Allah seul qui sait le cœur, mais si quelqu'un est un vrai mu'min, qu'il suit les règles de l'islam, le fait qu'il fait des efforts pour appliquer la loi d'Allah et pour respecter les règles d'Allah, ça c'est un signe que cette personne-là démontre des aspects de la foi. C'est ça. C'est ça. Donc l'extérieur, ça nous montre ce que ça reflète qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est Allah seul qui va juger réellement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Dieu seul qui sait l'intérieur. Hein? Donc dans ce sens-là. Et donc le chef dit qu'il n'y a pas de lien direct entre, comme on a dit, le fait que Allah ait voulu quelque chose, puis le fait qu'il ait aimé. Et c'est ça qui est dans l'erreur des gens de Bédah, comme les Asha'ira, par exemple. Eux, ils vont interpréter tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par la volonté. Donc pour eux, al-mahabba, l'amour, ça ne veut pas dire al-mahabba. Et pour eux, c'est interdit d'attribuer al-mahabba à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour eux, ça c'est un sentiment humain d'aimer. Donc ils disent que la signification de al-mahabba, de l'amour d'Allah, c'est qu'il veut le bien. Donc il interprète l'amour par la volonté. Et donc il tombe dans ce problème-là. Quand tu leur demandes à ces gens-là, est-ce que Allah aime les péchés? Est-ce que Allah aime la désobéissance? Est-ce que Allah aime le kufr et le shirk? Ils sont obligés de dire oui, parce qu'ils ont interprété l'amour par la volonté. Donc si Allah l'a voulu, ça veut dire qu'il l'aime pour eux. Et ça c'est grave de dire ça. D'accord? Donc le cheikh il dit que ça c'est une parole fausse. هذا قول باطل والقول الحق انه لا تلازم بين الاراده والمحبه او بين المشيئه والمحبه. Il n'y a pas nécessairement de lien entre la volonté et l'amour. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose et il ne l'aime pas, il le déteste. Hein? Et il dit, أعني أن الإرادة والمشيئة الكونية. Là on parle de la volonté dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد يشاء الله ما لا يحبه. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose alors qu'il ne l'aime pas. ويحب ما لا يشاء وجوده. Et il aime ce qu'il ne veut pas. Parfois. D'accord? Parfois il aime ce qu'il ne veut pas. Donc ça veut dire, il veut parfois ce qu'il n'aime pas. Et parfois il aime ce qu'il ne veut pas. Et il donne des exemples de ça. Il dit, مثال الأول مشيئة وجود إبليس وجنوده. Comme par exemple, l'exemple du premier, le fait qu'il veut ce qu'il n'aime pas, le fait qu'il a voulu l'existence de Iblis et de ses armées, de ses troupes. Allah a voulu que Iblis existe, ainsi que ceux qui sont avec lui, qui l'aident. Il a voulu ça. Mais ça c'est du fait que il a créé Iblis, il a créé ses alliés et il a prédestiné leur existence, mais il déteste, il le déteste. Il le déteste, il le déteste Iblis, et il déteste ceux qui suivent Iblis, malgré qu'il a voulu qu'ils existent. Et l'exemple du deuxième cas, qu'il aime ce qu'il ne veut pas, c'est « Mahabbatuhu lil-iman » ou « l'iman al-kuffar » ou « ta'at al-kuffar » « walam yasha' wujudu zalika minhum » « walam sha'ahu la wujud » C'est-à-dire l'exemple de qu'est-ce qu'il aime mais qu'il ne veut pas, c'est il aime la foi pour les kuffars et l'obéissance pour les kuffars, mais il ne l'a pas voulu. Et s'il l'aurait voulu, on aurait vu cette chose-là exister. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre. Après le chef il dit ولا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم. Donc le chef il dit والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer la prédestination et d'attribuer les actions des créatures, d'attribuer aux créatures leurs actions, de dire que ce qu'ils font c'est réellement leurs actions, réellement, non pas symboliquement. Il y en a qui disent c'est pas les actions que les créatures font, c'est pas leurs actions. C'est les actions d'Allah. Et on leur affirme, on les attribue aux créatures symboliquement seulement, et non pas réellement. Donc le cheikh il nie ça. Il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer la prédestination et le fait d'attribuer aux serviteurs leurs actions, réellement. Et de dire que ce sont eux qui font ces actions-là selon leur choix. C'est eux qui l'ont choisi. Donc, le cheikh il explique, il dit que les serviteurs, c'est eux réellement qui font leurs actions. Et Allah, c'est lui qui crée leurs actions. Donc, il y a une différence entre le fait de faire l'action et de créer l'action. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'acte de manger, mais c'est pas lui qui mange. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas, parce qu'il n'a pas besoin de manger. وهو يطعم ولا يطعم. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nourrit alors qu'il n'est pas nourri. Donc, on affirme qu'Allah a créé cet acte, mais on ne dit pas que c'est lui qui le fait. D'accord? C'est ça la différence. Et Allah est le créateur des actions des serviteurs. Et on dit, à propos du serviteur, à propos de l'être humain, on dit, il est un croyant, un mécréant, un bon ou un mauvais, un pécheur, quelqu'un qui fait la salade ou qui jeûne, un jeûneur ou un prieur, ok? Donc, pourquoi on dit ça? On dit que ça c'est le serviteur qui le fait, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Allah qui est le jeûneur ou le prieur, ou le mécréant ou le croyant, mais selon leur compréhension, les Jabriya, ceux qui nient, ceux qui disent par exemple l'être humain n'a pas de volonté et n'a pas de capacité, tout ce qu'on fait c'est Allah qui le fait, c'est pas nous qui le font réellement, et ben ceux-là ils disent que c'est Allah le mu'min, c'est Allah le kafir, c'est Allah qui jeûne et c'est Allah qui prie et c'est Allah qui mange, etc. Ça c'est parce qu'ils veulent pas attribuer à la créature une action ou une puissance. Des fois ils utilisent le verset comme par exemple « Oma rameita iz rameita walakin Allah rama » Ils disent « c'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. La signification de ce verset-là, ça veut dire, et ce n'est pas toi qui as atteint les cibles quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a fait que ces pierres-là ou ces poussières que tu as lancées atteignent leurs yeux. Parce qu'à la distance où j'étais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr, c'était pas possible que ces poussières, ces sables, les grains de sable qu'il a lancés arrivent jusqu'à cette distance. Mais Allah a fait en sorte que ça atteigne les mouchriquins. Donc ça c'est un exemple du fait que, eux, ils ont utilisé ce verset-là en dehors de son contexte. Il y a beaucoup d'exemples comme, de choses comme ça dans, des choubouhats qu'ils utilisent. Non, c'est contre eux parce qu'il y a l'affirmation de, du fait que le prophète a lancé, réellement. وَمَا رَمَيْتَ Allah il dit, c'est comme s'il dit, tu as lancé. Mais c'est pas toi qui as fait que, lorsque tu as lancé, que c'est arrivé jusqu'à eux. C'est ça que ça signifie. Tu vois. Donc, dans ce sens-là. Et il dit, وَلِلْ عَبْدُ قُدْرَةً على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى donc le serviteur il a une force, il a une capacité et il a une volonté également et c'est Allah qui a créé leur volonté et c'est Allah qui a créé leur capacité, ok, c'est Allah qui a créé ça. Et leur capacité et la volonté des créatures et la capacité des créatures, elle est limitée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset qu'il a mentionné le chef, وَمَا تَشَاءُونَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ pour celui d'entre vous qui veut être sur le droit chemin ou se mettre droit. Hein? C'est-à-dire, t'as la volonté. Allah, il te dit, pour celui d'entre vous qui veut se mettre droit, c'est-à-dire, tu as là, il affirme que tu as une volonté. Mais man sha'a minkum an yastaqim. Après, il dit, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbil alamin. Tu as une volonté, mais cette volonté-là, n'oublie pas qu'elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ta volonté ne peut pas dépasser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là. Après, il dit, wa hadhihi ad-daraja min al-qadr, يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. Donc, il dit que ce degré-là, parmi les degrés de la prédestination, la majorité des gens de Al-Qadariya, ceux qui nient la prédestination, ils nient cet aspect-là. Et c'est ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé les majus de cette umma. Les majus de cette umma. On a dit les majus tout à l'heure, que ce sont ceux qui disent qu'il y a deux créateurs. Le créateur du bien et le créateur du mal. Donc, eux, ce sont les majus de cette umma. Et il dit qu'il y a un autre groupe qui a exagéré à ce sujet-là, ce sont le groupe qui a exagéré au sujet de l'affirmation. Ils ont affirmé la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté d'Allah au point de nier et de retirer à l'être humain sa volonté et sa volonté et sa puissance. Ils ont dit la créature, l'être humain n'a pas aucune volonté. Aucune volonté et aucune puissance. Et les Asha'ira, ça c'est les Jabriya, et les Asha'ira, eux ils ont dit, l'être humain il a une volonté et il a une puissance, mais c'est une puissance qui n'a pas d'effet. Qudra ghair fa'ila, ou ghair mu'assira. Elle n'a pas d'effet, cette capacité-là. Donc, d'affirmer une capacité qui n'a pas d'effet, c'est comme si tu ne l'affirmes pas, c'est comme si tu la nies en réalité. Et c'est pour ça qu'on les classe parmi Al-Jabriya. Hein? Et ça veut dire, comme le chef va expliquer, que c'est une contradiction, puis on va voir pourquoi. Donc, eux, ils font sortir des actions d'Allah, « يُخْرِجُونَ عَنَا أَفْعَلِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حُكْمَهَا وَمَصَالِحَهَا » Donc, ils enlèvent la sagesse et les bienfaits des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, « أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة وبين كون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم، وقصده بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض، ومن ثم ذهبت طائفة منهم إلى الغلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم أهل الخالقين لها أو جعلوهم هم الخالقين لها فضل، ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته. يقال للطائفة الأولى الجبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبور أو مجبر على ما يصدر منه لا اختيار له فيه، ويقال للطائفة الثانية القدرية النفاة لأنهم ينفون القدر. Donc le Cheikh il dit que Ibn Taymiyyah rahimahullah, par cette explication là qu'il a donnée, il voulait clarifier qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer la prédestination et tous ces degrés qu'on a mentionnés, les quatre degrés, et entre le fait que les serviteurs font leurs actions selon leur volonté et selon et ils font leur volonté, les actions selon leur volonté et qu'ils ont une capacité de le faire également. Et le but, pourquoi il a parlé de ça, c'est pour réfuter ceux qui ont cru que le fait d'affirmer ça implique une contradiction. Hein, implique une contradiction. Comme il dit qu'il y a eu une division à ce sujet-là, il y a deux groupes qui ont dévié à ce sujet-là. Al-Jabriya et Al-Qadariya. Al-Jabriya, il dit, il y a un groupe qui ont exagéré, ils ont affirmé la prédestination et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de nier que le serviteur avait lui-même une volonté et une puissance ou une capacité de faire quelque chose. Et l'autre extrême, c'est Al-Qadariya, c'est le groupe qui ont exagéré dans l'affirmation des actions des créatures et de leur volonté. Et eux, ils ont établi que ce sont les créatures qui ont créé eux-mêmes leurs actions. Hein? Et que ça n'a rien à voir, nos actions n'ont rien à voir avec la volonté d'Allah et qu'elles n'entrent pas sous le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme si on est indépendant de la volonté et de la pouvoir d'Allah. Tout ce qu'on fait, on peut faire quelque chose qu'Allah ne veut pas, et on peut faire quelque chose que Allah, qui va contraire à la force d'Allah ou à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala selon eux. Donc ça c'est un autre extrême, et le premier groupe on les appelle Al-Jabriya parce que ils disent que l'être humain est mujbar, c'est-à-dire il est contraint, comme s'il est forcé à faire quelque chose. Donc eux par exemple, comme on va voir tout à l'heure, c'est comme s'ils disent, si tu fais des péchés, c'est pas toi qui as voulu, t'es forcé de le faire, c'est Allah qui te force à le faire. Donc, yani, ça c'est la première position de ce groupe-là. Ensuite, il y a l'autre groupe qu'on appelle Al-Qadariya qui nie la prédestination et qui dit que c'est tout ce qui se passe, c'est uniquement par la volonté, la puissance de l'être humain et non pas par la volonté, la puissance de Allah seul. Yani, c'est-à-dire, ils disent qu'on n'est pas limité par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, ils disent, faqawlu al-shaykh, rahimahullah, wal-ibadu fa'iluna haqiqatan, raddun على الطائفة الأولى وهم الجبرية لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز وقوله والله خالقهم وخالق أفعالهم رد على الطائفة الثانية القدرية النفاة لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله وتقديره لها. Donc le Cheikh il dit que Ibn Taymiyyah, quand il dit que les serviteurs, ce sont eux réellement qui font leurs actions, c'est pour répondre au premier groupe, Al-Jabriya. Parce que les Jabriya, eux, ils disent, comme on a dit tout à l'heure, que ce n'est pas les êtres humains qui font réellement leurs actions. Mais on leur remet les actions, c'est-à-dire on dit que, par exemple, un tel a fait telle action, ou un être humain, l'être humain, celui qui prie, ou il a jeûné, ou il a tué, ou il a volé, ou il a mangé, ou il a dormi, ça, on lui attribue ça juste symboliquement, c'est, ou allégoriquement, c'est-à-dire c'est pas réellement lui qui le fait, c'est Allah qui le fait. Hein, c'est un peu comme ceux qui disent, par exemple, c'est pas le feu qui brûle, c'est Allah qui brûle, d'accord? C'est les Jabriya qui disent ça. Et les Asha'ira, ils disent ça aussi. Si tu dis que le feu qui, c'est le feu qui brûle, t'es un mouchrik. Hein, parce que tu as affirmé que le feu peut brûler et qu'il a une puissance de lui-même. Hein, donc eux, ils disent que ça c'est un acte de shirk. Imaginez. Et les Jamaat Tabligh, ils disent ça. Souvent, ils disent ça, vous allez entendre quand ils répètent ces affaires-là. Parce que sont maturidiyya, sont parmi les maturidiyya. Ahbash aussi, oui, parce que sont Asha'ira. Donc, ça c'est un exemple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la cause et l'effet. Il a créé le feu et il a créé brûlant. De cette façon-là. D'accord? Et c'est Allah qui a donné au feu cet attribut-là, cette capacité-là. D'accord? Et donc, il n'y a pas de shirk là-dedans, si tu affirmes ça. Ensuite, il dit, donc, eux, les Jabriya, ils disent, si tu dis qu'un être humain fait quelque chose, c'est seulement symbolique. Majaz, c'est pas réel. Après, il dit, wa qawluhu, wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alihim. Quand le Cheikh Ibn Taymiyyah dit que Allah est le créateur, leur créateur et le créateur de leurs actions, ça c'est pour répondre au deuxième groupe, les Qadariya, ceux qui nient la prédestination. Et pourquoi? Parce que eux ils disent que Allah n'a pas créé les actions des serviteurs, mais ce sont eux-mêmes qui créent leurs propres actions indépendamment, et que leurs actions n'ont rien à voir avec la volonté ni la pouvoir, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'ils sont indépendants dans leurs actions, dans leur volonté et dans leur capacité. Après le chef, il dit, وقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعبد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة رد على الجبرية أي ليس العباد مجبورين على تلك الأعمال لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها لأن فعل المجبر لا ينسب إليه ولا يوصف به ولا يستحق عليه الثواب. Donc, le chef il dit que le serviteur, il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah, il dit le serviteur est le croyant, et le mécréant, et le pieux, et le pervers, et le prieur, et le jeûneur. Et le serviteur a une capacité, a une force, une capacité de faire ce qu'il fait, et ils ont également une volonté. Et ça c'est pour réfuter les Jabriya, parce que, le chef dit parce que, les êtres humains, les serviteurs, ne sont pas contraints de faire ces actions-là. Ils ne sont pas forcés de faire ces actions-là. Et il dit, parce que s'ils étaient forcés et contraints de faire ça, ben on ne pourrait pas les décrire par ces caractéristiques-là et par ces noms-là. Hein? On ne dirait pas qu'un être humain est un croyant ou un mécréant. S'il est forcé de croire ou de mécroire, on ne dirait pas qu'il est le prieur ou le jeûneur, ou qu'il est le bon ou le mauvais, ou qu'il est le pieux ou le pervers. si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le faisait, on dirait que c'est, on dirait directement c'est Allah qui fait ça. Mais étant donné que c'est la créature qui le fait, donc c'est à lui qu'on attribue ces actions-là. C'est aux créatures qu'on attribue ces actions-là. Et le chef dit, parce que lorsque quelqu'un est contraint de faire quelque chose, on ne lui remet pas l'attribut de cette action-là. On n'attribue pas cette action-là à lui. Hein? Et on le décrit pas par cette caractéristique-là ou par cet attribut-là. Et il ne mérite non plus, il ne mérite pas la punition ni la récompense. Hein? Il ne mérite pas la récompense de faire le bien puisqu'il est obligé d'être bon. Et il ne mérite pas la punition puisqu'il est forcé et obligé de faire le mal et de désobéir. Donc, dans ce cas-là, on peut pas, si c'était le cas, comme on a dit, on lui attribuerait pas ça, on lui attribuerait pas les qualités ou les caractéristiques qu'on a données, dans l'exemple. Ok? Donc, comme on dit, quand on dit que l'être humain il est le croyant et le non-croyant, ou qu'il est le prieur ou le jeûneur, ou qui est celui qui, par exemple, fait la justice ou fait l'injustice, ça c'est la créature qui est décrite par ces caractéristiques-là, et non pas quelqu'un d'autre que lui. Et donc, l'être humain, il a une capacité, une volonté de faire ce qu'il fait. D'accord. Après, le cheikh il dit: وقوله الله خالقهم وخالق قدرتهم رد على القدرية النفاث حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته كما سبق. ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين بقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وتعالى donc il dit que le cheikh ibn Taymiyyah a dit, عليكم السلام الله, ابن تيمية il a dit que Allah c'est le créateur, leur créateur et le créateur de leurs actions et le créateur de leur puissance, de leur capacité. C'est Allah qui a créé ta capacité de faire les actions. Et ça, c'est une réfutation des Qadari, à ceux qui nient la prédestination, qui nient la volonté de l'être humain et sa capacité de faire quelque chose. Parce qu'ils disent que les serviteurs créent leurs propres actions sans que ce soit relié à la volonté d'Allah, comme on a expliqué tout à l'heure. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a réfuté les deux groupes, les Jabriya et les Qadariya, par le verset qu'il a mentionné: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Pour celui d'entre vous qui veut se mettre droit, et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah, le Seigneur des mondes, a voulu. Le Cheikh dit: فقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فيه الرد على الجبرية لأنه أثبت للعبد مشيئة وهم يقولون لا مشيئة لهم. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، وهذا باطل لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته سبحانه وربطها بها. Donc le cheikh il explique comment ce verset-là réfute les deux groupes. La première partie du verset réfute les Jabriya, hein, quand Allah dit pour ceux d'entre vous ou celui d'entre vous qui veut se mettre droit, ça réfute les Jabriya, ceux qui disent que l'être humain il est forcé ou contraint à faire ce qu'il fait, parce que dans le verset il y a l'affirmation de la volonté pour le serviteur. Donc vous avez une volonté, vous pouvez, hein, si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur le droit chemin, donc vous avez une volonté. Et dans la deuxième partie du verset, il y a la réfutation des qadariyah, à ceux qui nient la prédestination et qui disent que l'être humain est indépendant dans ses actions, du fait qu'il est indépendant dans sa volonté et dans sa capacité. Hein? Il n'est pas limité par la volonté d'Allah. Dans ce verset-là, il y a la réfutation de ça, parce que Allah il dit et vous ne pouvez, wa alaykoum salam, et vous ne pouvez vouloir accepter que si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Donc ça, ça réfute les qadariyah. Ceux qui, ouais, c'est ça. Ils disent, les qadariyah, ils disent que l'être humain, il a une volonté qui est indépendante. Hein? Il peut faire lui-même ses propres actions sans que ce soit relié à la volonté d'Allah et sans que ce soit limité par la volonté d'Allah. Et ça, c'est faux. Car Allah, dans ce verset-là, il a relié la volonté du serviteur à sa volonté et il l'a limité par sa volonté. Il l'a relié directement à sa volonté. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose excepté si Allah l'a voulu. Donc vous êtes limité par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله هذه الدرجة من القدر هي عموم مشيئة الله وإرادته لكل شيء وعموم خلقه لكل شيء وأن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم ويكذب بهذا عامة القدرية النفاة حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته والذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين وهما النور والظلمة ويقولون إن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقا مع الله حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته بل يستقلون بخلقها ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة لتأخر ظهورهم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة. Le cheikh il dit que ce degré-là dont on a parlé, à propos de la prédestination, c'est-à-dire le fait que la volonté générale d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui, pour toute chose, et le fait qu'il a tout créé, il a créé toute chose, il a voulu toute chose, il a créé toute chose. Hein, ça c'est un des degrés de Al-Qadr, le fait qu'on croit à la volonté et à la création. Et que les créatures, les êtres humains, ont fait nous-mêmes réellement nos actions. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés, et qui crée ce qu'on a fabriqué ou ce qu'on fait nous-mêmes. Et il y a la majorité des Qadariyah qui nient ça, hein, ceux qui croient que l'être humain, il fait lui-même ses actions, il les crée lui-même, sans que ce soit relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé les majus de cette ummah. Et il dit pourquoi? Parce qu'ils ressemblent aux majus. Les majus, c'est ceux qui disent qu'il y a deux dieux, comme on a dit tout à l'heure, deux créateurs. Le créateur de la lumière et le créateur de l'obscurité ou des ténèbres. Et ils disent que le bien, c'est la lumière qu'il a créée, puis le mal, c'est le ténèbre qu'il a créé, et donc ils sont des dualistes, c'est-à-dire des gens qui croient à deux dieux. Ok? وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقا مع الله. Il dit, les Qadariyah, ils ont également mis d'autres créateurs avec Allah, parce qu'ils ont pensé, ou ils ont cru que les créatures créent eux-mêmes leurs actions, sans que ce soit relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont indépendants par eux-mêmes, ils créent leurs propres actions, sans que ce soit relié à la volonté d'Allah. Et le cheikh il dit que c'est pas authentique le fait d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a nommés majus, les majus de cette umma, c'est pas rapporté authentiquement. Et le cheikh il mentionne, il dit parce qu'ils sont venus après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plupart des critiques et des blâmes qui sont mentionnés à leur sujet, c'est des paroles des sahaba, et non pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, وَقَوْلُهُ وَيَغْلُو فِيهَا أي هَذِهِ الدَّرَجَ مِنَ الْقَدَرِ يغلو فيها أي هذه الدرجة من القدر والغلو هو الزيادة في الشيء عن الحد المطلوب وقول من أهل الإثبات فاعل الغلو والمراد بهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. Donc le chef il dit que l'exagération, les gens de l'exagération, les gens qui ont exagéré au sujet de l'affirmation de la puissance d'Allah et de sa volonté, ils ont exagéré au point de nier la volonté et la capacité des créatures. Ils ont dit les êtres humains sont contraints de faire ce qu'ils font, peu importe. فالأولون غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله وهؤلاء غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيار. Donc les premiers qu'on a mentionné, les Qadariyya, ils ont exagéré dans le fait d'affirmer les créations, les actions des créateurs jusqu'à les faire sortir de la volonté d'Allah, et ceux-là, les Jabriyya, ils ont exagéré jusqu'à nier l'action des créatures et de les faire sortir ou d'enlever aux créatures leur capacité et leur volonté ou leur choix de faire ce qu'ils font. وقوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها جمع حكمة ومصلحة أي أن الجبرية في مذهبهم هذا حينما نفوا أفعال العباد وسلبوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فقالوا إنه يثيب ويعاقب العباد على ما ليس من فعلهم ويؤمرون ويأمرهم بما لا يقدرون عليه، فاتهموا الله بالظلم والعبث. Donc le cheikh il explique qu'ils font sortir la sagesse et la justice d'Allah et le bienfait d'Allah des actions d'Allah et de ses règles. Dans le sens que ils disent, les Jabriya, ceux qui disent que l'être humain n'a pas de volonté puis n'a pas sa propre capacité, hein, ils disent que ce n'est pas l'être humain qui fait réellement ses actions, c'est Allah qui les fait. Et l'être humain est forcé de le faire, comme une plume dans le vent, hein, comme une plume dans le vent, ou bien comme le battement de ton cœur. C'est pas toi qui décides que ton cœur bat, il bat tout seul. Et quand tu clignes des yeux, c'est pas toi qui décides, ça se fait automatique, hein. Et donc quand tu jettes de la poussière dans l'air, ça vole à gauche, à droite, comme ça. Donc eux, ils comparent l'être humain à ça. Comme s'il n'a pas de volonté. Il est comme forcé de faire ce qu'il fait. D'accord? Donc, eux, en faisant ça et en disant des paroles comme ça, en disant que l'être humain n'a pas de volonté ni de choix, ils ont nié la sagesse d'Allah dans ses ordres et dans ses interdictions, dans ses commandements et dans ses interdictions, et dans la récompense et dans les châtiments. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que l'être humain est récompensé et puni pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, quand ils font un péché, c'est pas eux qui l'ont fait, parce qu'ils sont forcés. Et quand ils font quelque chose de bien, c'est pas eux qui l'ont fait, parce qu'ils sont forcés. Donc, ils vont être récompensés et punis pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et, également, parce que Allah leur demande ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Hein? Parce que ils ne peuvent pas faire rien d'eux-mêmes. C'est Dieu, ils disent que c'est Allah qui fait leurs actions. Donc, ça veut dire qu'ils ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala d'être injuste et de faire des actions inutiles ou de faire des choses sans sagesse dans ce sens-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le shirk, que Allah se purifie de ses paroles et de ses croyances, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de ces choses-là et au-dessus de ces ces imperfections-là. Donc, ça vient terminer l'explication de qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant à ce sujet-là. Puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on va rentrer dans un autre sujet de l'aqida. Alors, c'est la réalité de la foi. Et c'est quoi le verdict de Ahl-Sunnah al-Jama'a au sujet du musulman qui fait des grands péchés? Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Donc ça c'est le sujet de la semaine prochaine. Puis Inch'Allah, puis il y avait un point là que je voulais mentionner aussi. Des fois il y a cette question là qui est mentionnée. Est-ce que l'être humain, tu lis ça des fois dans les livres de philosophie ou des trucs comme ça, est-ce que l'être humain est musayyar ou mukhayyar? Est-ce que l'être humain est comme forcé ou bien est-ce qu'il est il a le choix, oui. Est-ce qu'il a le choix? Et les ulama ils ont répondu, ils disent on doit pas répondre ni par l'un ni par l'autre, mais on doit clarifier. Si on affirme, on dit oui, on a le choix, mais c'est pas le choix absolu, c'est-à-dire qu'on a une volonté, on a une capacité de faire des choses, mais notre volonté, notre capacité, elle est limitée par la volonté et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de ce sens-là. Donc on est mukhayyar et musayyar en même temps, d'un certain point de vue, et de l'autre point de vue aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer en détail qu'est-ce qu'on veut dire quand on répond à cette question-là, parce que c'est une question piège, d'accord? C'est juste un petit détail que je voulais mentionner en passant. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, ça vient conclure le sujet de Al-Qadar, puis on continue la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.